Benvinguts i benvingudes al món de la música en francès. Us parla Rafael Corbí. Una nova edició obre les seves portes d'Olala Music. I avui, per gaudir-ne al vostre costat, amb gent fantàstica, perquè també, a partir dels primers minuts del nostre espai, durant bona part, dedicarem el nostre programa número 97 a la música d'una de les més grans artistes de tots els temps, també, com no, amb la música cantada en francès. Ella porta el nom de François Hardy, segons molts, però que tampoc ens atrevem mai a pronunciar-la d'una manera prou correcta, per tant ho deixarem per als especialistes. Nascuda el 17 de gener del 1944 al nou districte de París i que es va educar a la Sorbona, cantant i actriu francesa, i va créixer allà, en aquest nou districte, amb la seva germana més jove, la Michelle. Avui escoltarem moltes de les cançons d'aquesta gran artista, com una, òbviament, de les seves més conegudes. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne murmure je t'aime à mon oreille. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues. Ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Le jour où je... Un artista amb multitud d'influències musicals, però els intèrprets de la cançó francesa, Charles Trenet i Cora Vaucher, van ser de les més determinants, com també els cantants anglesos Polanka, Everly Brothers, Cliff Richard, Connie Francis o Marty Wilde, que escoltava amb una emissora de ràdio en anglès, la cèlebre i arxiconeguda Ràdio Luxemburg. Va contestar un anunci diari que buscava cantants joves i va signar el seu primer contracte amb la discogràfica Vogue, precisament la que estem escoltant són temes de tota aquella època, el novembre del 61. Aquesta cançó que acabem d'escoltar va ser l'èxit més important dels començaments de la seva trajectòria artística. La cara B del disc, en principi, tots els nois i les noies, un èxit liderant la moda de la música iaie a França, venint més d'un milió de còpies, i li va ser atorgat un certificat de vendes discogràfiques. La cançó va aconseguir el lloc 36 a la llista de singles també del Regne Unit el 1964. Però abans, l'abril del 1962, poc després de deixar la universitat, havia aparegut la seva primera cançó, Oh Oh Chérie. Oh Oh Chérie, oui, j'aime tout ce que tu fais. Oh Oh, même quand tu fais rien, moi ça me plaît. Je suis au ciel dès que j'entends ta voix. Et lorsque tu me regardes comme ça, oh oh oh oui, oui c'est plus fort que moi. J'ai chaud, j'ai froid, oh oh. Oh oh chérie, oui j'aime tout ce que tu fais. Oh oh, même quand tu te fâches, moi ça me plaît. La colère te va très bien. Tu passes tes nerfs sur moi. Oh oui, c'est étrange, mais c'est comme ça. J'ai chaud, j'ai froid, oh oh. Oh oh, chérie, oui, j'aime tout ce que tu fais. Oh oh, toi seul me produis cet effet. Tu peux danser même en pyjama. Tu as de la classe et te vois comme ça. Oh oui, je suis dans tous mes états. J'ai chaud, j'ai froid, oh oh. Oh oh, chérie, oui, j'aime tout ce que tu fais. Oh oh, car tout ce que tu fais est parfait. La seva primera cançó, a càrrec d'una gran intèrpret que cantava les seves cançons en diversos idiomes, francès, anglès, italià, alemany, també interpretacions en castellà i una en portuguès. L'any 1963, la François Gris va quedar cinquena representant Mònaco al Festival de la Cançó d'Eurovisió amb L'amor se'n va. El 1963 se li va atorgar el magnífic Prix de Disc de l'Acadèmia Charles Cros. Per cert, que aquest Oh Oh Chérie que acaba de cantar era escrita per Johnny Hallyday. Escoltem aquest tema d'Eurovisió. L'amor se'n va. S'en va. Nous courons après. Són cançons fantàstiques d'una època doncs, llegendària en la trajectòria d'aquesta artista. Hi ha una cançó molt especial del seu àlbum que portava el nom de Tours de Gossons a la Fill del 1962. Era una cançó anomenada El temps de l'amor, que m'agradaria també compartir avui amb els nostres, amb els meus oients. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps d'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. Anem a repassar alguns dels seus èxits a les llistes de música francesa a través dels anys i també dels més populars arreu del món. Si aquell primer tema del 1962, que originalment era una cara B, aquest Tous les garçons et les filles, doncs va ser un èxit, va triomfar més també anys després, amb cançons com, per exemple, Et Même, que va ser un número 31, fins i tot també al Regne Unit, tot i ser cantat en francès. Et même si un jour Bé, ha estat un repàs a la seva música i no em podria oblidar d'un altre dels temes que ens en va portar la François Gadi, a qui hem escoltat en el programa del dia d'avui. De fet, aquesta cançó va ser molt més escoltada en anglès, amb la versió que ella mateixa en va fer anys després. Però nosaltres escoltarem la versió original en francès. Hem repassat en 6 cançons, podrien ser moltíssimes més, però ja us prometo que algun dia també retornarà entre nosaltres. Dans le monde entier és la cançó de la François Gadi. Cette nuit est pareille à tant d'autres nuits quand disparaît le soleil. Autant de bonheur côtoie tant de détresse, tant de choses meurent pendant tu n'es pas là. Ce soir tu ne viendras pas. Et tu es si loin de moi. J'ai peur que tu m'oublies déjà. Savoir plus ou moins si d'autres cette nuit s'aiment ou bien ont du chagrin, si d'autres se déchirent ou se rejoignent enfin. Rien n'a d'importance si cette nuit de toi, je ne sais rien. Esteu escoltant Oh La La Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Après les folies, les merveilles, des exploits festifs de la veille, quand la foule fait place au désert, que les vaincus encore sommeillent, quand la nuit tard, ce matin tôt, poursuit sa ronde des fuseaux, et cède le ciel au soleil, survivrez-vous à vos réveils. Rassurez-vous, je vous apporte une aspirine et un verre d'eau. Pour le bruit, je ferme la porte, vous laisse le silence pour cadeau. J'ai dans mon sac des rideaux pour la lumière qui est de trop. Et un jour entier de congé, je suis un répit sans danger. Elle est ici-bas ma mission d'agent secret du bonheur. Invisible passant, je trappe et piège le malheur. J'ai des cargos de mouchoirs blancs pour au besoin moucher des pleurs. Un adoucisseur de temps pour les mauvais quarts d'heure. Pour les carousels à vapeur qui en tournant vous lèvent le cœur. Pour ces hallucinants vertiges trahissant votre pesanteur. Quand les fonds de poche ont des mousses et se les sans amis sans sous. Quand les nuages d'ailleurs se poussent pour se soulager au-dessus de vous. Rassurez-vous, je vous apporte un parapluie anti-sanglot, une gravole et des cloportes qui chassent les visiteurs de trop. J'ai dans mon sac le numéro gagnant du bonheur sans le taux, un paradis sans sainteté. Je suis un répit sans danger. Elle est ici-bas ma mission d'agent secret du bonheur. Invisible passant, je trappe et piège le malheur. J'ai des cargos d'aspiration, des pompes pour regonfler les cœurs, des fleuves qui coulent sous les ponts, emportant les mauvais quarts d'heure. Et pour survivre du printemps au printemps, persiste et vivre obstinément. Et pour survivre du printemps au printemps, persiste et vivre obstinément. Rassurez-vous, je vous emmène, vous plante des ailes dans le dos, au monde vos rêveries vaines, trompez le pénible complot. J'ai dans mon sac le doux trésor de l'existence, souffle d'or, le trépas des remords passés. Je suis un répit sans danger pour survivre du printemps au printemps. Persiste et vivre obstinément. Et pour survivre du printemps au printemps, persiste et vivre obstinément. 11 minuts per prendre'ns a la música d'aquest artista que ens arriba des del Quebec. Actor, compositor, músic i màgic. Personatge màgic, però no només en la seva música, no, sinó també en la seva professió. Nascut el 16 de març de 1963 a Montreal, Stéphane Côté és el protagonista de les tres cançons que ara mateix escoltem, a càrrec d'un personatge més conegut, això sí, per la seva filmografia, que no pas per la seva discografia, tot s'ha de dir. Dans ses beaux habits, cela s'appelle, cela si, monsieur semblait à la merci d'un malin mal inassouvi, dont personne l'eût averti. Qui aurait cru, qui aurait dit qu'un jour, monsieur diverti serait en mal de trouver un sens à sa vie. Mille et un conscrits à cette peine sont ainsi. Monsieur n'est pas le seul inscrit au quotidien bal d'ennui, comme des millions d'affranchis qui leur son destin accompli. Si l'univers l'apprécie, il ne sait guère lui faire apprécier la vie. Récapitulons divertis, ce pourquoi jusqu'ici votre conscience déprécie ce que le commun apprécie. Est-ce les drames renchéris de l'humanité ahurie? Est-ce votre âme en hystérie qui d'un bris d'aile atterrit, s'écrase lourdement sur terre? Encore un coup de la misère, seulement votre cœur ne vaut guère celui des gens qui sont en guerre. De soucis en main, monsieur tarit d'envie, assèche ses heures à l'oubli qu'on trouve chez les divertis. Il est le chercheur en série de la diverse panoplie des occupations, des abris, ces lieux mirages où le néant est embelli. Pour la liste des idéaux, il les retrouve sur vidéo. Fabuleux sont les scénarios, il rêve l'existence des héros. puis du Pernod à la porno. Monsieur s'enlise dans ses défauts, s'enlise à ce qui sonne faux. La symphonie sous son chapeau, qui soudain finit par se taire. Encore à 100 pieds dans les airs, il perd ses ailes et décélère, tombe et se casse la chimère. Monsieur R à la merci des simulations infinies qu'on crée pour chavirer l'ennui. La gigantesque comédie vous invite à rester assis pour que vous puissiez vous aussi goûter l'oubli qu'on trouve chez les divertis. Cela s'appelle, cela si, monsieur semblait à la merci d'un malin mal inassouvi dont personne ne l'eût averti. Qui aurait cru, qui aurait dit qu'un jour monsieur diverti serait en mal de trouver un sens à sa vie. Je raison, je criais sur les maisons que j'étais seul à être con. En ville avais-je raison, j'en ai douté, je dois l'avouer. Le jour où le flot d'humanité s'est mis en quart à entonner l'air des complexités, un air déjà entendu, sonnant comme on ne joue plus, on est sérieux, on va sans plus, affichant son révolu, l'un derrière l'autre, on va sans faute, sans trop savoir à qui la faute. Qu'est-ce qui fait que la vie sursaute et nous confine au bas des côtes? Passez, venez voir, c'est la saison des bouffons. On s'y envoie se faire voir en citant entre moutons. On cultive des poires, des faces à quatre mentons. On refait la préhistoire, chacun à sa façon. L'un, l'anneau dans le nez qui s'est mis à jouer les bouchons. Au fond de sa vanité, il a trouvé sa raison. Un autre s'est pris pour un complet. On sait bien que rien n'est complet. Tant mieux pour lui s'il s'y complaît. Même imbécile et il a la traite. Châtelaine et compagnie qui promène les modes à bien faire rigoler. Grand-mère qui les a portés, on passe et reste la démode. Et les chiens qui nous voient passer, constatant puissant quel exode va mener au rien à porter. Et passez, venez voir, c'est la saison des bouffons. On s'y envoie se faire voir, on s'y tend entre moutons. On cultive des bois, des faces à quatre. chacun à sa façon. Donc j'avais raison, j'arrête les gens, je pose des questions, personne ne me répond. Chacun va d'un pas dérisoire, glissé au trou d'un entonnoir, et me ressemble, c'est bizarre, j'ai peine encore à y croire. En ville avais-je raison, j'ai dû constater que non, que l'air imbécile ou l'air profond, on est de la tradition. En ville avais-je raison, je criais sur les maisons, que j'étais seul à être con, alors qu'on est les millions. Esteu escoltant Ulala Music. La musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, oui, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, je le chanterai toujours, ouais. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs et de même jour, on chantait les peines et les espoirs, pour sentir Dieu et puis l'amour. Pour la musique vivra, tant que vivra le blues. Je t'aime, et que j'ai mal entouré. Je pleure et je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Ah, tu de la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient de blues. Les mots, les mots, les mots, les mots, les mots, les mots, les mots, les mots ne sont jamais les mêmes, tu sais, pour exprimer, exprimer ce qu'est le blues. Oui, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, oui, je le chanterai toujours. Je chante quand même. Elle vient de là, elle vient de là, elle vient de plus. La música en directe és la que tindrà presència amb aquesta part, amb aquesta secció del nostre espai. Un bon oient de casa nostra ens va posar sobre la pista d'aquesta formació, d'aquest grup que partia des d'anys enrere, càrrec d'una associació, els restaurants del cor, Restaurant du Cor, el Relais du Cor, que també es diu una fundació sense ànim de lucre, composta per una associació nacional francesa i 113 associacions departamentals, l'objectiu de la qual és distribuir menjar gratis als més desvalguts. Una idea que va sorgir del humorista i actor Michel Colucci, més conegut com Coluche, que va llançar l'idea a principis del 1985. Els primers restaurants van obrir el 21 de desembre d'aleshores. Una iniciativa que es va mantenir econòmicament gràcies als drets d'una cançó composta per Jean-Jacques Goldman i també una emissió televisiva. Molts menjars, més de 8 milions i mig de menjars, es van distribuir en aquest primer hivern. En Coluche n'ha estat molt i molt capdavanter d'aquest moviment, hi ha donants, voluntaris i sobretot també, pel que interessa amb el nostre programa, els artistes. Coluche sabia que la millor manera d'ajudar al funcionament dels restos era la seva pròpia imatge i la dels seus amics, i per això l'hivern del 1985 va constituir els anomenats Enfoirés. Un programa de televisió es va presentar el gener del 86, un plató excepcional amb polítics de molts partits, presentadors de totes les cadenes de televisió i ràdio i també artistes de tots els gèneres. Cada any després, el concert dels Enfoirés uneix els voluntaris dels restes i s'ha convertit en un event mediàtic molt popular. Avui els escoltarem, els estem escoltant de fet, des del Tourné d'Enfoirés del 1989. Peces com aquesta, La música que estimo, com aquesta altra, Sur la route de Memphis, o també el Le bon temps du rock and roll, seran peces que escoltarem amb aquests minuts. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui m'entraînait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Du mort, un chien loup me jetait un regard un peu fou sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Je viens vers toi, mais pas dans une Rolls blanche. Costume un peu élimé aux manches. J'ai le droit de me taire et de fumer en gardant mes menottes au poignet sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Pour une fois, les flics ont gagné. Je ne fais que passer sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. sur la route de Memphis. Rock it low! je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. Dans les tables. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours en overdose. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour te dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute si on a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on n'y change rien. Doncs estem arribant al final del nostre programa. Se'ns ha allargat una mica més aquesta part final que volíem dividir entre diferents artistes, però al final ho han fet Les Enfoirés i aquest concert, com us dèiem, que us portaven des del 1989 i aquestes magnífiques peces. Per tant, i des d'ara i fins al final del nostre programa, seguim disfrutant d'ells amb una cançó més, perquè això és la seva companyia excepcional amb el cementiri que en diuen dels elefants. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició de La Música, que espero que us hagi agradat, que hagi estat del vostre agrat. Fins la propera, a reveure. C'est pas perdu puisque tu m'aimes. Un peu moins fort, un peu quand même. Je suis ta solution sans problème. Quand j'étais vivant, mais toi maintenant, tu veux plus en jouer. Faut garder et remporter. J'suis pas périssable, j'suis bon à consommer. Puisque tu m'aimes.